Troisième partie, chapitre 1. Ce fut au commencement de la première semaine de mai que tonton Corentin rencontra un matin Marianne Guévarc toute seule sur la lande voisine de la pointe du Grand Gouin. Il revenait du sémaphore des Pois à cause d'une commission pressée pour Dagorne le gardien, encore endeuillé de son si récent veuvage de décembre. La jeune fille se rendait, tout en se promenant, au phare du Toulinguet afin de voir la petite malade, le dernier enfant de Leguen, l'ami de son père. Elle l'aperçut la première, au moment où, gravissant le sentier étroit qui longe la falaise et glisse entre les champs d'ajoncs épineux, elle commençait à s'élever le long du versant à pic, d'où l'on domine le port de Camaret. Une mélancolie tendre, inexpliquée, baignait son âme, caressait son corps, et c'était une sensation d'une douceur triste, où tout son être semblait fondre dans une détente générale. Subissait-elle l'influence de la nouvelle saison dans laquelle entrait la Bretagne, débarrassée des voiles gris qui l'enveloppaient depuis 6 mois? Était-ce le résultat inconscient de choses nouvelles se produisant au fond de son cœur? Elle allait, distraite, incapable de le dire, d'exprimer ce qu'elle ressentait, pensant qu'elle subissait l'émotion préventive de la visite qu'elle se préparait à faire et l'influence du souvenir douloureux de la mort de Louise Dagorne. La vue de Corentin lui ouvrit soudain le cœur. Elle lut couramment, nettement au fond d'elle-même. Oui, c'était cela. Cela seul qui soulevait dans ses artères une vague de sang, lui montant d'un coup jusqu'au cerveau, pour noyer sans retour les malsaines fumées, pour balayer à jamais les vertiges, au milieu desquels s'était jusqu'à ce jour apeurée sa raison, s'était débattue sa foi en l'homme qu'elle avait depuis longtemps choisi et qui, seul, pouvait lui donner le bonheur désiré. Elle avait tant souffert de cette présence d'Hervé Guivarc à son foyer. Elle éprouvait un tel soulagement à ne plus sentir en cet instant sa pénétrante prunelle peser sur elle qu'il lui semblait être délivré d'une fascination, d'un sort jeté, et que son cœur, libre enfin, volait tout seul au-devant de celui qui venait là-bas, sorte de messie d'amour, toujours appelé, quelques mois méconnu, presque renié, et brusquement retrouvé, réapparu. Il est certain que, durant des semaines, elle avait paru le fuir. Elle avait évité toute occasion de se rencontrer seule avec lui, en restant aux banalités de conversation passagère, aux sourires vagues, aux indécises pressions de main. Quelque chose d'épais, d'opaque, de dangereux, comme une de ces terribles brumes bretonnes, où se perdent les navires, où se heurtent les barques, se dressait entre elle et lui, noyant les doux souvenirs, les espérances presque réalisées, rejetant dans la nuit incertaine cet amour à peine né et faisant sombrer toute joie au fond d'elle. Une fureur sourde bouleversa longtemps le cœur de Corentin à cette transformation, qu'il comprit immédiatement, qu'il sentit mieux que tout autre et dont l'auteur principal ne pouvait lui rester inconnu. Comme il le détesta, comme il le maudit. Ainsi, c'était celui-là même qu'il avait sauvé au péril de sa vie. C'était cet homme qu'il avait été arraché au flot grondant presque malgré lui. C'était cet ancien enfant du pays, cet ancien compagnon de jeu qui se dressait entre Marianic et lui, venant lui voler son amour, sa femme. Oh, ce revenant! Les mois d'hiver furent atroces pour lui, avec ce poison dans les veines, cette fermentation de rage et de douleur incendiant son sang. Cependant, sa consolation fut de voir que la jeune fille ne paraissait pas encourager l'autre, que sa froideur s'étendait aussi à ce cousin. Peut-être, en effet, la terrorisait-il? Une espérance lui entrait au cœur, lorsqu'il se rappelait 1000 détails qui semblaient devoir les lier à jamais. Le mouchoir flottant à la pointe de Penhir, l'étreinte encourageante du cimetière en ce jour funèbre de décembre. Mais depuis, plus rien. En apercevant Marianic en face de lui dans la solitude matinale de la lande encore déserte, au milieu de la légère brume transparente que le soleil faisait se lever en pompant la rosée de la nuit sur les mousses, les bruyères et les genêts, Corentin Garec eut un recul involontaire, une suspension de respiration. Seul. Ils étaient seuls tous deux sous le grand ciel bleu, d'une pureté merveilleuse. Lui, tout tremblant, elle, détachant sa jolie tête brune, casquée de la coiffe blanche, son corps robuste et souple, à la taille ferme sous le fichu chastement croisé sur ses seins, à la jupe plissée retombant en lourde masse autour de ses hanches rondes. Une envie d'adoration le prenait, à la vue inattendue de celle qu'il aimait, et un ardent besoin de lui parler, de la questionner. Il allait l'appeler, la supplier, murmurant en lui-même « Marianick ». Il n'eut pas besoin de prononcer ce nom. Souriante, dans le nimbe d'or du soleil levant, elle venait à lui. La matinée était pimpante et gaie, claire avec quelque chose de léger, de subtil et de fin qui ravissait délicieusement l'âme. De la tendresse naissait de tout ce qui les entourait, de cette atmosphère bleutée, vibrant sous la première force des rayons déjà chauds, de l'étendue des champs, de la germination discrète de la lande où rosissaient les jeunes bruyères au milieu des pousses vertes, où des milliers de boutons se pressaient, s'entassaient dans une ardeur de vie toute neuve, dans une soif d'air, dans le bain de cristal des gouttes de rosée. Garrec était resté planté à la même place, pétrifié de plaisir, sous l'attendrissement inaccoutumé d'une joie qui le bouleversait. Il n'osait bouger de peur de voir le charme disparaître, la vision s'envoler. Sa figure énergique, toute rougissante, passait du cuivre clair au cuivre foncé, par l'afflux bouillonnant du sang, tandis que sa bouche aux saines dents blanches se fendait d'un large rire nerveux et qu'une étincelle courait sur le bleu glauque de ses prunelles. « Mademoiselle !» Vivement elle tendit la main, faisant le geste d'effleurer ses lèvres du bout de ses doigts pour arrêter ce mot. « Chut ! Vous ne m'appelez plus Marianick ?» Il eut un élan de tout l'être, un tremblement lourd de ses énormes épaules. « Oh, pouvez-vous croire, Marianick ?» À la bonne heure, Corentin. Il n'était pas en garde contre cette souplesse de l'esprit féminin qui se ramasse, bondit, joue comme un félin aussi bien chez l'humble fille des champs que chez la dame des grandes villes et allant droit au but avec sa rudesse native. Il y a si longtemps que je ne vous ai vu ainsi. Je croyais que vous ne vouliez plus de moi, que c'était fini. Je l'ai maudit fameusement, lui, le faïga qui s'est mis entre nous. J'ai compris, allez, je sais des choses. Damné naufrage que je pensais souvent. » Des mots bourdonnaient au fond de sa gorge, de dures paroles qu'il retenait difficilement, sachant bien qu'il ne fallait pas les dire, mais ayant tant souffert qu'il lui paraissait juste de le faire savoir, de le crier, fût-ce dans un cri d'amour, d'adoration. Marianick baissa la tête, le regardant entre ses cils. « Je vous espérais, Corentin. » Il s'arrêta, coupé en pleine exaltation, le cœur chaviré, tout surpris. « Ah, vous ? Et je ne me doutais pas, mauvais mousse que j'étais. Est-il possible, Madoué ? Je m'étais figuré, pour sûr que... Enfin, alors, vous me voulez bien ?» Il s'embrouillait, ne comprenant plus, ne sachant que dire, comment s'expliquer, et si heureux que son bonheur l'étouffait. « Oh, tenez, c'était comme quelque chose que j'avais là, dans la gorge, qui m'étranglait. J'aurais fait un malheur des fois. Oh, ce revenant !» « Il est si à plaindre, » dit-elle simplement. « Plus personne. » « Alors c'était seulement de la pitié, par bonté ? Et moi ?» De ses poings pesants, il frappait son épaisse poitrine, bombant sous le maillot de laine, et moitié grondant, ayant saisi les deux mains de la jeune fille, il les serrait entre ses doigts rugueux, coupés de cicatrices. « D'où veniez-vous ? » questionna-t-elle, rougissant légèrement, et sentant la nécessité d'abandonner une conversation aussi dangereuse. « De chez ce pauvre gars de Dagorn, encore un qui a eu de la peine. Ah, misère !» Son regard devenait tout humide pendant qu'il hochait la tête sous son béret bleu, comme s'il eût douté qu'on pût supporter une telle perte, faisant sans doute par devers lui des rapprochements. « Moi, j'allais chez Le Guen pour sa fille, vous savez, la malheureuse petite tousse de plus en plus, le même mal. » « Oh, diable, ça ne va pas, hein, comme la Louise !» Il leur sembla à tous deux que ce même sentiment d'affectueuse pitié qui les avait poussés le même jour, presque à la même heure, chez ces affligés, fut un lien de plus entre eux, déjà une communauté d'esprit, de cœur. Ils se regardèrent souriant, et Marianick, les yeux demi-clos sous la flambante clarté rayonnant des prunelles de Corentin, sentit un flot de sang envahir ses joues et aller se perdre sous les plis de son fichu. « Vous permettez que je vous accompagne ?» Ils allèrent, se tenant par le doigt du cœur, Bisargalan, comme on l'appelle en Cornouaille, le quatrième, celui par lequel se tiennent les amants. Marchant à pas très lent, ils échangeaient de temps à autre quelques paroles, mais si pleins d'eux-mêmes qu'ils ne trouvaient pas de mots pour exprimer la félicité ressentie et qu'une sorte de griserie les entourait, leur donnant le vague et profond vertige de leur bonheur. Sous le froissement de leurs pieds, la lande dégageait son délicat arôme de printemps qui était comme une encourageante caresse de la nature. Ajoncs d'or, bruyère rose et bruyère rouge aux feuilles d'un vert si persistant, immortelles, sauvages, genêts aux fleurs jaunes, mauves, rosâtres et glantiers, baumes odorants, tous étaient complices, étalant autour d'eux un tapis d'une variété infinie. Leur odeur venant se mêler au souffle salé de la brise marine, à la fumeuse senteur des usines à sardines, aux bouffées jetées par les amas de rogue, de strong, mais amoindries par l'éloignement, était l'odeur de la Bretagne des bords de l'océan, de ce pays primitif où tout est rude et doux, d'un parfum à peine sensible ou d'une âcreté pénétrante, envahissante, spéciale. De temps en temps fuyaient à leur approche des groupes de moutons noirs, bruns ou blancs, l'œil clair, luisant et bête, paissant çà et là, se sauvant aussi loin que le leur permettait la longue corde retenue par un coin de fer fiché dans le sol. Au-dessus du grand Gouin, des corbeaux tournoyaient, leurs becs et leurs pattes d'un rouge vif tranchant sur le noir de leur plumage, et les cris ininterrompus accompagnaient leurs ébats, se confondant parfois avec la plainte rauque d'une mouette ou d'un gouilou venant traverser leur cercle concentrique. Ils arrivaient à causer de tout, du beau temps qu'on avait, d'un pêcheur qui avait fait bonne pêche la veille, des torpilleurs venus en rade la semaine précédente, de Bernadine, la fille au vieux moelle de Kerlock, si riche et si avare, d'un gros cuirassé passant au large, de la moisson qui promettait déjà, et d'une infinité d'autres choses, où se délayaient, se perdaient, s'engloutissaient la seule qu'ils eussent désiré se dire, s'avouer. Une petite barque, à l'ancre près des roches Porznail et Porzkorven, entre le Grand Gouin et le Toulinguet, au fond de l'anse de Galet, attira les yeux de Marianic. « Ce n'est pas le père Létoupe qui pêche là. Tiens, on lui a pris sa place. » Corentin regarda et fronça un peu les sourcils, en reconnaissant la disposition du mât couché à l'arrière, entre les deux avirons, et supportant le milieu de la voile qui formait tente, retombant de chaque côté. « Non, c'est un Kerhor, du mauvais monde. On ne les aime pas par ici, » répondit la jeune fille. « Dame, des pillards de la mer. Ils ravagent la côte, dévastent les casiers, volent le poisson et parfois les filets, une fameuse engeance. » « Pas en odeur de sainteté à Camaret, ces pêcheurs de la rivière de Landerneau, du village de Kerhor dans les terres. Tous vont à la pêche, vivent complètement sur l'eau. Chez eux, toute fille, à partir de 13 ans, doit venir habiter sur le bateau, où elle sert de mousse et de barreur. Couchant la nuit dans un sac fermé au cou, elle ne descend plus à terre que lorsqu'elle atteint sa 20e année. Aucune fille de Kerhor ne pourrait se marier sans avoir fait cet apprentissage. » Marianic ne l'ignorait pas. Elle demanda pour rire. « Une fille comme ça qu'il vous faudrait pour femme, peut-être ?» Corentin secoua la tête, égayé par l'idée, et répliqua. « Pas de si loin, oh non !» Son regard se fit si expressif que la jeune fille en sentit un secret tressaillement de plaisir. Elle se retourna au moment où ils arrivaient à la crête extrême de la falaise, le point culminant, d'où la vue tombe à la fois sur Camaret et sur l'Atlantique. Quelques instants, ses yeux errèrent sur le petit port qu'on voyait en dessous, bien enfermé par l'étroite langue de terre, se détachant du stivel, près du canot de sauvetage, pour s'élargir vers son extrémité, afin de recevoir la chapelle de Notre-Dame de Rocamadour et le fortin de Vauban, avec l'étroite jetée qui conduit au phare. L'eau calme miroitait, toute zébrée de traînées luisantes, de plaques métalliques où se réverbérait le soleil, et les barques se détachaient, très noires, le bec tourné vers le nord-est, indiquant ainsi naturellement d'où venait le vent. De l'une d'elles montait une musiquette grêle et sauvage, qui venait mourir en sons affaiblis jusqu'à eux, un air de biniou donnant des chatouillements de danse. Sans doute quelque jeune pêcheur flûtait un de ces airs bretons, d'un effet si original, si doux sous la gaze légère embrumant encore les maisons du port, les herbes de la falaise, les lointains de Kellern. « Je ne vois pas la Corentine, » dit-elle malicieusement. « La reconnaîtriez-vous ? Garrick eut un sourire confiant, étendant sa main à Léé. « Pas besoin de chercher. Tenez, là, juste au bout de mon bras, du côté de cette musique que vous entendez, en face la maison de tante Rosalie. » La jeune fille mima une moue coquette. « Vous ne m'avez pas reconnue aussi vite ?»« Oh, vous, vous !» Une adoration profonde tremblait au fond de ses prunelles, et il eut comme un élan vers elle. Plus rapidement, elle l'entraîna. « Je suis pressée, vous savez, ces pauvres Le Guen. » Il descendit à côté d'elle, son doigt toujours lié à celui de Marianic. S'engageant sur le sentier presque à pic, dégringolant l'autre versant et murmurant parfois dans la crainte de la voir tomber, « Prenez garde !» C'était la première fois qu'il faisait attention à un péril quelconque, tremblant au bord de cette coupure de la falaise, s'éboulant chaque jour un peu plus en pluie de pierre sur la plage de Galais qui précède le Toulinguet et se creuse sur son flanc droit. Ils atteignirent la route qui monte au fort. Devant eux s'étendaient les dunes blanches, avec leur herbe mince et rare, leurs chardons bleus d'une coloration si exquise, leurs liserons, leurs coquillages, les mille bosselures semblables à des vagues que le vent bouleverse, transforme incessamment, que les fortes lames des grandes tempêtes soulèvent en tourbillon, et sur lesquelles s'abat l'embrun salé, la poussière humide de l'océan qui dessèche et qui brûle. Plus aucun mot ne leur venait aux lèvres. Sans pouvoir analyser leur trouble, ils subissaient, émus, la grande mélancolie désolée de ce surprenant coin de Bretagne, à l'extrême limite du monde, de la civilisation, de la vie. Marianic songeait. « C'est là-dessus que s'écoule la vie de Corentin. C'est pour aller là qu'il me quittera toujours, malgré toute tendresse, malgré tout amour, malgré tout. » De la tristesse entrait en elle, gonflée, énorme comme une lame sourde venant lui ravager l'âme. Et elle se sentait faible, d'une désespérante faiblesse, de tout petit enfant prêt à pleurer. Tonton Corentin, les bras croisés sur ses durs pectoraux, l'œil au loin fit tout haut. La sardine va revenir, un fier temps pour la pêche. Un âpre désir de l'étendue immense gonflait ses narines, faisait flamber ses prunelles qui, peu à peu, prenaient les teintes changeantes de la mer se reflétant en elle, le reprenant tout entier passionnément. Le pêcheur, le marin, l'amoureux de l'océan se réveillait en lui brusquement. Même aux côtés de celle qu'il désirait pour femme, qu'il aimait, il ne pouvait oublier l'autre, la grisante ensorceleuse. Marianic eut un soupir. Puis son sang de bretonne afflua au cerveau, plus vif, plus jeune, lui rendant l'espoir, le courage, la fierté. N'était-ce pas, après tout, pour cela qu'elle allait à lui, pour sa force, pour sa hardiesse, pour ce cœur d'or qui le jetait sans hésitation à tous les dévouements, à tous les périls? Et, en elle, éclatait une envie de lancer à son tour, en cet instant qui allait décider de sa vie entière, le beau cri du danger, le cri sublime du marin. « Adieu, va !» Elle regarda Corentin. Il lui sembla plus beau de mâle beauté, plus désirable encore que jamais. Il cessa de contempler la mer en sentant sur lui les yeux de la jeune fille. Comme il s'étonnait, la figure encore radieuse de cette communion avec le grand large, elle demanda « Corentin, vous m'aimez ?»« Je vous aime !» s'écria-t-il tremblant de bonheur. Elle répondit, les mains tendues vers lui. « Je serai votre femme. » Devant la mer, dont le flot roulait et déroulait doucement une frange d'écume, baisant la grève de sable sous le grand ciel bleu illuminé par le soleil de printemps, devant la nature en fête, ils échangèrent leur premier baiser, le baiser des fiançailles.